5. Soirée animée chez Gilbert Head. Le vieillard quitta Robin et vint vers le blessé. Un instant après, ce dernier poussa un long cri de douleur. « Ah, maître Robin, voilà encore un de tes chefs-d'œuvre !» dit Gilbert, courant après son fils et le retenant au moment où il allait franchir le seuil de la porte. « Je t'avais défendu ce matin d'exercer ton adresse aux dépens de tes semblables, et tu m'as parfaitement obéi, témoin ce malheureux forestier. »« Quoi donc ?» répliqua le jeune homme, plein d'une respectueuse indignation. « Vous croyez que... »« Oui, je crois que c'est toi qui as cloué la main de cet homme sur son arc. Il n'y a que toi dans la forêt capable d'une pareille adresse. Regarde, le fer de cette flèche te trahit. Il est poinçonné à notre chiffre. Ah, tu ne nieras plus ta faute, j'espère. » Et Gilbert lui montrait le fer de la flèche qu'il avait arraché de la blessure. « Eh bien oui, mon père, c'est moi qui ai blessé cet homme, » répondit froidement Robin. Le front du vieux Gilbert devint sévère. « C'est chose horrible et criminelle, maître. N'es-tu donc pas honteux d'avoir dangereusement blessé par forfanterie un homme qui ne te faisait aucun mal ?»« Je n'éprouve ni honte ni regret de ma conduite, » répondit Robin d'un ton ferme. « La honte et le regret reviennent à celui qui attaquait dans l'ombre des voyageurs inoffensifs et sans défense. Qui donc s'est rendu coupable de cette félonie ? L'homme que vous avez si généreusement ramassé dans la forêt. » Et Robin raconta à son père tous les détails de l'événement. « Ce misérable t'a-t-il vu ? » demanda Gilbert avec inquiétude. « Non, car il s'est enfui presque atteint de folie et croyant à l'intervention du diable. « Pardonne-moi mon injustice. » dit le vieillard, en pressant affectueusement entre les siennes les mains de l'enfant. « J'admire ton adresse. Il faudra désormais surveiller attentivement les approches du logis. La blessure de ce coquin ne tardera pas à être guérie. Et pour me remercier de mes soins et de mon hospitalité, il serait capable de revenir en compagnie de ses pareils, maître ici tout à feu et à sang. » « Il me semble, » ajouta Gilbert, après avoir réfléchi un moment, « que la physionomie de cet homme ne m'est pas inconnue. » Mais j'ai beau fouiller dans mes souvenirs, je ne retrouve pas son nom. Il doit avoir changé d'expression de figure. Quand je l'ai connu, il ne portait pas sur ses joues l'expression avilissante de la débauche et du crime. Cet entretien fut interrompu par l'arrivée d'Alan et de Marianne, auxquels le maître du logis souhaita cordialement la bienvenue. Le soir de ce même jour, la maison du garde forestier était pleine d'animation. Gilbert, Marguerite, Lincoln et Robin surtout, se ressentaient vivement du changement et du trouble provoqué dans leur faible existence par l'arrivée de ces nouveaux hôtes. Le maître du logis surveillait attentivement le blessé, la ménagère préparait le repas. Lincoln, tout en s'occupant de ses chevaux, faisait bonne garde et ouvrait l'œil sur les environs. Robin seul était oisif, mais son cœur travaillait. La vue de la belle Marianne éveillait en lui des sensations jusqu'alors inconnues, et il demeurait immobile, plongé dans une muette admiration, il rougissait, il pâlissait, il frissonnait quand la jeune fille marchait, parlait ou laissait errer ses regards autour d'elle. Jamais au fait de Mansfield House, il n'avait vu beauté pareille. Il dansait, il riait, il causait avec les filles de Mansfield House, et déjà même il avait murmuré aux oreilles de quelques-unes de banales paroles d'amour. Mais dès le lendemain, il les oubliait en chassant dans la forêt. Aujourd'hui, il serait mort de peur plutôt que d'oser dire un mot à la noble Amazone qui lui devait la vie, et il sentait qu'il ne l'oublierait jamais. Il cessait d'être enfant. Pendant que Robin, assis dans un coin de la salle, adorait Marianne en silence, Alan complimentait Gilbert sur le courage et l'adresse du jeune archer, et félicitait le vieillard d'être le père d'un tel fils. Mais Gilbert, qui espérait toujours recevoir, au moment où il s'y attendait le moins, des renseignements sur l'origine de Robin, ne manquait jamais d'avouer que le jeune garçon n'était pas son fils, et racontait comment et à quelle époque un inconnu lui avait apporté cet enfant. Alan apprit donc avec étonnement que Robin n'était point fils de Gilbert, et ce dernier ayant ajouté que le protecteur inconnu de l'orphelin était venu probablement de Huntingdon, puisque le shérif de cet endroit payait chaque année la pension de l'enfant, le jeune homme répondit. Huntingdon est notre lieu de naissance et nous l'avons quitté il y a quelques jours à peine. L'histoire de Robin, brave forestier, pourrait être vraie, mais j'en doute. Aucun gentilhomme de Huntingdon n'est mort en Normandie à l'époque de la naissance de cet enfant. Et je n'ai pas ouï dire qu'un membre des nobles familles du comté se soit jamais mésallié avec une Française roturière et pauvre. Ensuite, Pour quel motif aurait-on transporté cet enfant si loin de Huntingdon ? Dans l'intérêt de son bien-être, dites-vous, de la vie de Ritson, votre parent, qui avait pensé à vous et s'était rendu garant de votre humanité. Ne serait-ce pas plutôt parce que l'on avait intérêt à cacher la naissance de ce petit être et qu'on voulait l'abandonner, n'osant pas le faire périr ? Ce qui confirmerait mes soupçons, c'est que depuis lors, vous n'avez plus revu votre beau-frère. À mon retour à Huntingdon, je prendrai de minutieuses informations et je m'efforcerai de découvrir la famille de Robin. Ma sœur et moi, nous lui devons la vie. Fasse le ciel que nous puissions réussir à lui payer ainsi la dette sacrée d'une éternelle reconnaissance. Peu à peu, les caresses d'Alan et les douces et familières paroles de Marianne rendirent à Robin sa gaieté et son sang-froid habituel, et bientôt la joie la plus vraie, la plus franche, la plus cordiale régna dans la maison du garde. Nous nous sommes égarés en traversant la forêt de Sherwood pour aller à Nottingham, dit Alan Clare, et je compte me remettre en route demain matin. Voudriez-vous me servir de guide, cher Robin ? Ma sœur restera ici confiée aux bons soins de votre mère et nous rentrerons dans la soirée. Y a-t-il loin d'ici à Nottingham ? 12 000 environ, répondit Gilbert. Un bon cheval ne met pas 2 heures à faire le voyage. Je dois une visite au shérif, que je n'ai pas vu depuis 1 an, et je vous accompagnerai, messire Alan. Tant mieux, nous serons 3, s'écria Robin. Non, non, s'écria Marguerite, et se penchant à l'oreille de son mari, elle ajouta à voix basse. Y pensez-vous laisser 2 femmes seules dans la maison avec ce bandit ? Seul, dit Gilbert en riant. Ne comptez-vous pour rien, chère Maggie. Notre vieux Lincoln et mon fidèle chien, le brave Lance, qui arracherait le cœur à quiconque oserait lever la main sur vous. Marguerite lança un regard suppliant sur la jeune étrangère, et Marianne déclara résolument qu'elle suivrait son frère si Gilbert ne renonçait pas au plaisir du voyage projeté. Gilbert céda, et il fut convenu qu'au premier rayon du soleil, Alan et Robin se mettraient en route. La nuit venue et les portes closes, nos personnages s'attablèrent et firent honneur au talent culinaire de la bonne Marguerite. Le principal mets se composait d'un quartier de faon rôti. Sir Robin rayonnait de joie, il avait tué ce faon, et elle daignait en trouver la chair délicieuse au goût. Assises l'une auprès de l'autre, ces deux charmantes créatures causaient comme on cause entre vieilles connaissances. Alan, de son côté, prenait plaisir à entendre raconter les chroniques de la forêt, et Maggie veillait à ce qu'il ne manquât rien sur la table. L'aspect qu'offrait alors la demeure du forestier eut servi de modèle pour peindre un de ces tableaux d'intérieur de l'école hollandaise où l'artiste poétise le réalisme du ménage. Tout à coup, un sifflement prolongé, parti de la chambre occupée par le malade, attira les regards des convives vers l'escalier conduisant à l'étage supérieur, et à peine ce sifflement se fut-il évanoui dans l'air, qu'une réponse sur le même ton retentit à quelque distance dans la forêt. Nos 5 convives tressaillirent, un des chiens de garde au dehors poussa quelques hurlements d'inquiétude, et le silence le plus absolu régna de nouveau dans les environs et devant le foyer du garde. « Il se passe par ici quelque chose d'inusité, » dit Gilbert, « et je serais fort surpris s'il n'y avait pas dans la forêt certains personnages qui n'éprouvent aucun scrupule à fouiller dans d'autres poches que les leurs. » « Avez-vous donc réellement à craindre la visite des voleurs ?» demanda Alan. « Quelquefois. » « Je pensais qu'ils laissaient en repos la demeure d'un honnête forestier, qui d'ordinaire n'est pas riche, et qu'ils avaient assez de bon sens pour ne s'attaquer qu'aux gens riches. « Les gens riches sont rares, et il faut bien que messieurs les vagabonds se contentent de pain quand ils ne trouvent pas de viande. Et je vous prie de croire que les outlaws ne sont nullement honteux d'arracher un morceau de pain de la main d'un pauvre homme. » Ils devraient cependant respecter mon domicile ainsi que ma personne et les miens, car plus d'une fois je les ai laissés se réchauffer à mon foyer et manger à cette table en temps d'hiver et de disette. Les bandits ne savent pas ce que c'est que la reconnaissance. Ils le savent si peu que maintes fois ils ont voulu entrer ici par la force. Marianne, à ces mots, frissonna de terreur et se rapprocha involontairement de Robin. Robin voulut la rassurer, mais l'émotion lui coupa de nouveau la parole et Gilbert, s'étant aperçu des craintes de la jeune fille, reprit en souriant. « Tranquillisez-vous, noble demoiselle. Nous avons à votre service de braves cœurs et de bons arcs. Et si les outlaws osent paraître, ils en sont quittes pour s'enfuir comme ils se sont enfuis tant de fois, n'emportant pour tout butin qu'une flèche au bas de leur jaquette. »« Merci, » dit Marianne. Puis jetant vers son frère un regard significatif, la jeune fille ajouta. « La vie de forestier n'est donc pas sans inconvénients et sans dangers. » Robin se trompa sur le sens de cette phrase. Il se l'attribua et ne comprit pas que la jeune fille faisait allusion au prétendu goût de son frère pour la vie champêtre. Aussi s'écria-t-il avec enthousiasme. « Moi, je n'y trouve que plaisir et bonheur. Je passe souvent des journées entières dans les villages voisins, et j'entre dans ma belle forêt avec une joie inexprimable, me disant à moi-même que je préférais la mort au supplice d'être enfermé dans les murs d'une ville. » Robin allait continuer sur le même ton quand retentit un coup violent à la porte extérieure de la salle. L'édifice en trembla, les chiens couchés devant le foyer bondirent en aboyant, et Gilbert, Alan, Robin s'élancèrent vers la porte, tandis que Marianne se réfugiait entre les bras de Marguerite. « Hola ! » cria le garde. « Quel malotru visiteur ose ainsi défoncer ma porte ?» Un second coup, plus violent encore que le premier, servit de réponse. Gilbert réitéra sa demande, mais les aboiements furieux des chiens rendirent d'abord tout dialogue impossible, et ce ne fut qu'avec peine qu'on entendit enfin au dehors une voix sonore dominant le tumulte et prononçant cette formule sacramentelle « Ouvrez, pour l'amour de Dieu ! Qui êtes-vous, deux moines de l'ordre de Saint-Benoît ? D'où venez-vous ? Où allez-vous ? Nous venons de notre abbaye, l'abbaye de Leighton, et nous allons à Mansfield House. Que voulez-vous ? Un abri pour la nuit, et quelque chose à manger. Nous nous sommes égarés dans la forêt, et nous mourrons de faim. » « Ta voix n'est cependant pas la voix d'un homme mourant. Comment veux-tu que je m'assure si tu dis vrai ? Parbleu, on ouvre la porte et en nous regardant !» répondit la même voix d'un ton que l'impatience rendait déjà moins humble. « Allons, entêté forestier, ouvriras-tu ? Nos jambes fléchissent et nos estomacs crient !» Gilbert se consulta avec ses hôtes et hésitait, lorsqu'une autre voix, une voix de vieillard timide et suppliante, intervint. « Pour l'amour de Dieu, ouvrez, bon forestier. Je vous jure par les reliques de notre saint patron que mon frère a dit la vérité. » Après tout, dit Gilbert de manière à être entendu au dehors, « nous sommes ici quatre hommes, et avec l'aide de nos chiens, nous aurons bien raison de ces gens-là, quels qu'ils soient. Je vais ouvrir. Robin, Lincoln, retenez un moment les chiens, et vous les lâcherez si des malfaiteurs nous attaquent. »